À 8 heures, le baron voulut reconduire Lisbeth lui-même, en promettant de revenir. « Eh bien, Lisbeth, il la maltraite !» lui dit-il dans la rue. « Ah, je ne l'ai jamais tant aimée !»« Ah, je n'aurais pas cru que Valérie vous aimât tant !» répondit Lisbeth. « Elle est légère, elle est coquette, elle aime à se voir courtiser, à ce qu'on lui joue la comédie de l'amour, comme elle dit. Mais vous êtes son seul attachement. » « Que t'a-t-elle dit pour moi ?»« Voilà, » reprit Lisbeth. « Elle a, vous le savez, eu des bontés pour Crevel. Il ne faut pas lui en vouloir, car c'est ce qui l'a mise à l'abri de la misère pour le reste de ses jours. Mais elle le déteste, et c'est à peu près fini. Eh bien, elle a gardé la clé d'un appartement. « Rue du Dauphin !» s'écria le bienheureux Hulot. « Rien que cela, je lui passerai Crevel. J'y suis allée, je sais. » « Cette clé, la voici, » dit Lisbeth. « Faites-en faire une pareille demain dans la journée, deux si vous pouvez. »« Après, » dit avidement Hulot. « Eh bien, je reviendrai dîner encore demain avec vous. Vous me rendrez la clé de Valérie, car le père Crevel peut lui redemander celle qu'il a donnée. Et vous irez vous voir après-demain. Là, vous conviendrez de vos faits. Vous serez bien en sûreté, car il existe deux sorties. Si par hasard, Crevel... qui sans doute a des mœurs de régence, comme il dit, entrez par l'allée, vous sortiriez par la boutique, et réciproquement.